Radio Open FM. Soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Et bonjour, bonjour à tout le monde, comment ça va? Et bonjour Johnny, comment ça va ce matin? Ah ben ça va et toi Mario? Impeccable, merci. Bon, comment ça a été ce week-end? Parce que je sais que t'es venu, mais moi je suis pas venu. Je pensais que c'était vraiment annulé, alors du coup je suis pas venu. Non, non, on a quand même fait, il y avait quand même un peu d'ambiance hier à la radio. Hein. Voilà. Ah. Non, non, ça s'est bien passé, il y a eu du monde. Bon, le problème c'est que... pas d'artistes parce que... Oui, le temps ne... Le temps était... Permettait pas. Ouais. Le temps était pourri. Ouais. Voilà. Bon, eh ben, c'est pas un problème. De toute façon, on est là, on va avoir une invitée qu'on a déjà eue il y a... Oh, il y a quelques temps de ça, ouais, déjà. Il y a... temps de ça, ouais. Oui, à partir de 10h, elle doit être là, normalement, si tout se passe bien. Ouais. Voilà, on vous laisse la surprise, On va vous démarrer avec de la musique, on verra ça plus tard. On va entendre qui du coup? Oh, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Allez, on va entendre Amigos Verdadeiros. Bon dia à toute la gente. Bon dia, bienvenue neste manhã das novo midi, as vozes de Portugal, na Radio Pen FM 97.9. On y va. Allez, on y va. C'est allez, parti, Johnny. Portugal e aos teus amigos este país que gostava de voltar a viver. Olá Portugal, meu país, tantas saudades. Olá Portugal, acordar na minha aldeia, poder reviver todas estas amizades. Nunca mais sairão da minha ideia. Neste julho e agosto é tempo de sonhar, ver as festas e areiais em cada cidade, passar em cada baile a cantar e a dançar, saber que tenho de voltar gera ansiedade. Sentir o calor da praia e o cheiro da beira-mar, mas que lindo é este país de onde parti para tentar a minha vida talvez melhorar, mas é tão difícil estar muito longe de ti. Para tentar a minha vida talvez melhorar, mas é tão difícil estar muito longe de ti. Olá Portugal, meu país, minha infância. Olá Portugal, o país que me viu nascer. No meu caminho levo muita distância. Neste país que gostava de voltar a viver. Olá Portugal, meu país, tantas saudades. Nestes caminhos da vida, amigos temos a valer, daqueles que fazem tudo para nos engrandecer. Amigos que são do peito, gravados no coração, são hoje esse o motivo de cantar esta canção. Um amigo verdadeiro vale mais que o dinheiro, por isso vos agradecemos por inteiro. Um amigo verdadeiro vale mais que o dinheiro, por isso vos agradecemos por inteiro. Um amigo verdadeiro vale mais que o dinheiro, por isso vos agradecemos por inteiro. Um amigo verdadeiro vale mais que o dinheiro, por isso vos agradecemos por inteiro. Quem tem amigos tem tudo, o ditado é sabido. Vocês correm todo mundo, nosso amor está unido. Hoje vos agradecemos com toda a nossa paixão. Vocês são o motivo de cantar esta canção. Um amigo verdadeiro vale mais que o dinheiro, por isso vos agradecemos por inteiro. Um amigo verdadeiro vale mais que o dinheiro, por isso vos agradecemos por inteiro. Um amigo verdadeiro vale mais que o dinheiro, por isso vos agradecemos por inteiro. Um amigo verdadeiro vale mais que o dinheiro, por isso vos agradecemos por inteiro.

cantigas. Um rapaz quando é solteiro e gosta da namorada, não lhe pode bater muito, não lhe pode bater muito antes dela estar casada. E quando ele quer bater, ela diz-lhe com ternura: olha que o meu pai está a ver, olha que o meu pai está a ver, isto bater noutra altura. Mas depois do casamento tens o meu consentimento, tens o meu consentimento, se me deres felicidade. Bate, bate, bate, bate, bate ao coração, bate com beijinhos e com a palma da mão. Bate, bate, bate, que eu ainda nada senti, quanto mais me bates, quanto mais gosto de ti. Mulher quando é solteira e gosta do namorado, não lhe pode bater muito, não lhe pode bater muito, que ele pode estar cansado. E quando ela quer bater, ele diz-lhe com carinho: olha que nos podem ver, olha que nos podem ver, que vergonha um bocadinho. Mas depois do casamento tens que dar e receber, vai ser a todo momento, vai ser a todo momento que eu vou andar a bater. Bate, bate, bate, bate, bate ao coração, bate com beijinhos e com a palma da mão. Bate, bate, bate, eu ainda nada senti, quanto mais me bates, quanto mais gosto de ti. Bate, bate, bate, bate, bate ao coração, bate com beijinhos e com a palma da mão. Bate, bate, bate, que eu ainda nada senti, quanto mais me bates, quanto mais gosto de ti. Bate, bate, bate, bate, bate ao coração, bate com beijinhos e com para acreditar que me amavas de verdade. E eu para não chorar escondi a minha mágoa. Prefiro que me digas que tens outro amor antes de negar. Mas diz-me tudo, amor, eu quero saber. Nossa união e feriste meu coração. Deixaste a minha chama a sufocar. Lançaste os meus sonhos todos pela janela e deixaste a minha alma com tanta dor. Avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir está aqui. Et rebonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bem-vindos neste domingo de manhã, das 9 ao meio-dia, na Rádio PNFM. Tu voulais dire quelque chose, Johnny? Non, je te laisse. Vous êtes bien sur votre émission Les Voix du Portugal avec Johnny et Mario jusqu'à midi. Voilà, avec une invitation surprise à partir de 10h. C'est pas une surprise, on l'a déjà dit. Oui. Ceux qui sont qui ont vu, ils sont au courant. Ceux qui n'ont pas vu, voilà, qui sont pas au courant, ça sera une surprise pour eux. Eh oui, forcément. Voilà. Elle doit pas tarder à arriver puisqu'elle est sur la route. On est au courant de. Oui. En temps réel. Oui. Pratiquement. Allô? Oui. Dans une petite demi-heure, je pense. Ouais, voilà. Allez les amis, on continue en musique? On va continuer avec un petit style fado, quoi. Voilà. Leio os teus olhos. Sina. Bom domingo de manhã a todos. Et mes peines et de petits soucis, moi aussi comme vous. Oh là là, mon truc est tombé. Maguilou Laïlou sur Open FM 97.9. Voilà. Alors, la petite surprise, c'est que du coup, on aura Maggie qui sera parmi nous à partir de 10h. Voilà. Exactement. Et on se disait pourquoi ne pas téléphoner si vous avez des questions à lui poser. Voilà, sur ses prochains concerts, sur ses dates de spectacle, tout ça, voilà. Vous pouvez nous appeler en direct au 05 55 39 02 86, voilà. Et si vous avez des questions, ben, vous les posez, puis Maggie sera enchantée de vous répondre en direct. Exactement. À partir de 10h, n'hésitez pas, à partir de 10h, au moment où elle est là. Voilà. Et ça sera plus facile d'appeler au moment qu'elle est là que... À l'avance, après. Oui. C'est mieux. On vous laisse en musique avec, du coup, une chanson de Maggie. Voilà. Comme vous. Maggie Loulaïlou. J'ai connu des moments difficiles où je me demandais pour qui est le bonheur. Je rêvais en passant devant une vitrine d'avoir un jour aussi plein de robes en couleur. Et si c'est votre vie que je chante aujourd'hui? Moi qui suis comme vous, simplement une flamme, vous comprenez pourquoi j'y mets toute mon âme, c'est ma façon à moi de remercier la vie, tout ce que j'ai rêvé, comme une belle histoire, m'est arrivé par vous, qui êtes là ce soir, et malgré la lumière, je peux vous le jurer, pour moi rien n'a changé. Comme vous, deixo-te dançar a noite inteira, meu amor. Esse olhar que me domina, ele é tão provocador. Eu quero sentir o gosto desse teu suor e não posso resistir a um desejo que é maior. Toco-te, abraço-te e o mundo à nossa volta não importa para nós. Beijo-te, desejo-te, porque juntos nunca vamos estar sós. Sempre amei e muito mais. És demais, ah, és demais. Sei que as nossas almas são iguais. És demais, ah, és demais. Tu és a mulher que eu sempre amei e muito mais. És demais, sim, és demais. Só tu sabes fazer-me feliz, como eu sempre quis. Eu sempre quis. Toco esse corpo sem receio nem pudor, dos olhares indiscretos que invejam o amor. Eu quero sentir o gosto desse teu suor e não posso resistir a um desejo que é maior. Toco-te, abraço-te e o mundo à nossa volta não importa para nós. Desejo-te, porque juntos nunca vamos estar sós. És demais, ah, és demais. Tu és a mulher que eu sempre amei e muito mais. És demais, ah, és demais. Sei que as nossas almas são iguais. És demais, ah, és demais. Tu és a mulher que eu sempre amei. FM, 9h midi, les voix du Portugal. Vamos lá dançar, não vi mais bonito que um homem português. Carina. Yeah. verão, José Malhoa. Vamos lá, então, em música. Solteiro voltou, já que não rola, acabou. Eu fiz de tudo pra tentar. Roça, roça,

Et une petite dédicace pour les réseaux sociaux de Alex pour sa femme à Pombinha da Maria. À Pombinha da Maria. À Pombinha da Maria. Ah, vai, pronto. Era vida, era cidade. Ela sonhava em cada dia que passava. Ela esperava o dia da liberdade. Lá no lugar toda a gente a conhecia. Todos sabiam da Pombinha que ela tinha. Quando passava, todos olhavam para ela. E os cucos na janela cantavam esta modinha. Olha a Pombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Olha a Pombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Ela sonhava em cada dia que passava. Ela esperava o dia da liberdade. Lá no lugar toda a gente a conhecia. Todos sabiam da Pombinha que ela tinha. Quando passava todos olhavam para ela. E os cucos na janela cantavam esta modinha. Olha a Pombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. Dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Olha a Pombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Ela canta e dança só depois das três. Olha a Pombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Les voix du Portugal, c'est en direct le dimanche matin, 9h midi. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, en compagnie de Johnny. Et Mario. Eh oui. Évidemment. Donc, notre chanteuse devrait pas tarder à arriver en direct dans le studio, Maggie. Ouais, les places sont un peu... C'est un peu cher hein, de ce côté-là. c'est un peu cher. Et là, tout de suite, on écoute Enzo Silva. A festa toda noite. Vamos lá, festa. A festa toda a noite, até o sol raiar. Abro o vinho verde, mulher não vai faltar. A festa toda a noite,

tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. C'est la fête des papas. Du coup, c'est une dédicace de Maggie qui chante, voilà, dire, pour... mon vieux, et qui est une dédicace pour tous les papas. Papa, voilà. Dédicace de Marie pour tous les papas. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme peu. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. C'était pas non plus paradis. Et oui, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé. Et pendant des années, le même tout puisse de bon Dieu. Mon vieux, le soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était toujours silencieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paix quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. On connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais le chercher. Pendant quelques heures d'évasion, tu sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, on a au peine ouvert les yeux. Nous deux, j'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux. Vieux, mais quand on a juste 15 ans. Ces choses-là, tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, mon papa. Les voix du Portugal. Portugal, en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Petite dédicace de Maria, qui fait partie aussi du groupe de la radio Open FM, voilà. Petite dédicace de Maria, du coup, pour tous les auditeurs. Et c'est Maggie Lolaelo qui la chante. Qui la chante, Lola Indigna. Exactement. Merci Maria, merci beaucoup. No Facebook.

as portuguesas. Thank you.

toi pour monter de classe, apprends cette chanson. Sans même ouvrir tes livres, tes livres, tes livres, sans user de salive, tu sauras tes leçons. Tes parents s'écriront étonnés, on a fait un enfant surdoué. Cette chanson magique, magique, magique, a semé la panique dans toutes les écoles. Au diable la grammaire, l'histoire, les sciences, on siffle la musique, on copie les paroles. On a même entendu tout à l'heure la maîtresse chanter au directeur. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir está aqui. Et alors, comment va tout le monde ce matin? Tout le monde va bien. Bon, on a l'invité déjà parlé à l'avance. Ouais, non, j'ai pas parlé encore. Rien faire. Hein. On n'a même pas le temps de présenter. Voilà. Je te laisse la place. Elle est arrivée. Bon, c'est un peu perdu apparemment, mais bon, elle est là. Enfin, elle est arrivée. Ouais, je me suis perdue, c'est vrai ça. C'était mal indiqué, il y a une déviation, alors attention. Hein. Ah, non. Avec nous en studio ce matin, Magui Loureiro. Alors, voilà, si vous avez des petites questions à poser, machin, téléphone. En direct. Voilà, 05 55 39 02 86. Voilà, n'hésitez pas, Magui est avec nous jusqu'à midi. Oui, jusqu'à midi, oui. Voilà. Une heure peut-être. Voilà. Non. Bon, si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas, 05 55 39 02 86 pour poser vos questions à Magui ce matin. Elle est en direct. Tu peux nous parler un petit peu de toi, Magui? Ah, que je suis en retard, c'est tout. Elle a peur de faire punir. Bah, tu sais que je suis déjà venue ici. Hein. J'aime beaucoup venir ici avec vous. Je me sens bien à la radio à Ambazac. Ah, c'est déjà bien. Je ne sais pas si on est gentil, nous. Hein. Êtes gentil, sinon je ne ferai pas une heure de route pour venir. Hein. Magui qui nous parlera dans un instant de ses sorties, de son actualité. Oui. Sortie de CD, de titre. Ouais, okay. Voilà. Dernier single. Oui. Voilà. Oui. Tout ça. Un hommage à Linda. Voilà. Exactement. Donc, restez bien à l'écoute ce matin de votre radio. Ouais, dans 5-10 minutes. 5-10 minutes, allez, ouais, on fait passer 2-3 chansons et on revient vers Magui. Voilà. Qu'elle nous parle un peu de son actualité. Oui. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, à tout de suite, les amis. On repart en musique avec Johnny. Baile do Solteiros, Helena Correia. Tá bem, vamos lá então. Rapazes pedem namoro às raparigas. Hoje eu não quero que ninguém se os nossos imigrantes, às raízes vão voltar. Sentir o cheiro do antigamente e a família abraçar. E aquela despedida que aperta o coração, promete que vai voltar. Soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est ici. Les voix du Portugal en direct, 9h midi, avec Johnny, Mario. Et Mario, voilà. Et du coup, ce matin, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Maggie Loureiro. Voilà. Loureiro. Loureiro. Joulaire. N'hésitez pas d'appeler au 05 55 39 02 86 si vous avez des questions à lui poser. Et du coup, maintenant, on va la laisser parler un petit peu. Elle va nous présenter son dernier single. Voilà. Alors, je... Oui, je présente le nouveau single qui s'appelle Uma Lembrança. Ça veut dire un souvenir. Une chanson qu'on m'a composée pour, en hommage à Linda de Souza, mon amie. Et puis sur ce single, il y a Ça ne s'oublie pas, la chanson du feuilleton La valise en carton. Et Malhão Malhão, la chanson que tous les Portugais connaissent. Voilà. Et il est sorti à peu près à peine 15 jours, à moi, même pas, 3 semaines à peu près. Voilà. Pour ceux qui veulent le commander, c'est sur toutes les plateformes. Ah oui. Sur Amazon, sur Spotify, Deezer, enfin toutes les plateformes. Et puis moi aussi, je peux l'envoyer aussi. Aux amis, à ceux qui le veulent. J'ai déjà beaucoup de commandes, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup, en hommage à Linda de Souza. Voilà. Une chanson faite par, composée par monsieur Hubert Frugier, Sylvie Pulès et Mathieu Choca, le musicien de Didier Barbevillien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce single. Je suis très fière. Donc, ce single, on fait comment pour se procurer? Tu nous as dit, comment on fait? Alors. Si, moi, je veux le single. Je veux, tu veux le single, oui. Ben, je suis là aujourd'hui, tu vas le prendre. Non, c'est trop facile. Tu veux le single, non. Celui qui veut le single vraiment, je le renvoie. Il faut m'envoyer l'adresse sur Messenger ou par toi ou par la radio et je le renvoie par courrier. Mais ils peuvent te contacter directement? Oui, oui, ils peuvent me contacter sur Facebook ou sur TikTok ou sur. Voilà, tout le réseau disponible. Oui. Ouais. D'accord. Donc, moi, si je commande, je vais sur TikTok. Non, je vais sur Facebook. Facebook, oui, voilà. Facebook, je m'envoie un message. Voilà, Maggie, vous m'envoyez un message. Maggie, voilà. Voilà. D'accord. Et moi, je le renvoie. Il me donne l'adresse et je renvoie tout ça. D'accord. Et par virement, PayPal ou par chèque, n'importe. Sinon, vous me versez à moi, on s'arrangera. Sinon, pour ceux qui préfèrent plus la modernité, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement et vous me trouvez sur Amazon. Voilà. D'accord. Mais beaucoup aiment que je leur fasse une petite dédicace, que je lui envoie vraiment le single. Disons que c'est plus. Au moins, on l'a, quoi. Oui, voilà. Tu vois, sur les plateformes, tu écoutes la chanson. Voilà. C'est alors sûr. Que là, tu voilà, c'est voilà. Surtout voilà. Pour ceux qui veulent avoir une dédicace directement, voilà, ça reste un souvenir. Un petit bégigno. Que sur les plateformes, on n'a pas la dédicace. C'est ça. Je sais que il y en a beaucoup qui l'ont. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup vendu. Ça m'a même vraiment étonnée. J'ai beaucoup vendu de ce single parce que la chanson, c'est une magnifique chanson, Linda. Qu'on est en train d'écouter. Qu'on est en train d'écouter. Oui. Ouais, voilà. Et on va la laisser passer et après on revient. On revient vous laisser écouter le single de Linda. Entreprendre un si long voyage avant d'arriver à Paris, Linda. De ces dures années de galère, quand tout le monde l'ignorait. Elle a lutté seule étrangère pour qu'enfin elle soit remarquée, Linda. Sa vie ressemble à ses chansons. Il y avait du jour bleu, des jours noirs, de bonheur et des trahisons gravés au fond de sa mémoire. Elle ne vivait qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle portait en elle la lumière, marchant toujours droit devant, sans jamais regarder derrière, chanter avec son cœur d'enfant, Linda. Et dans les moments les plus durs, le public était au rendez-vous pour poursuivre son aventure et l'aider à rester debout. Linda, entre l'amour et le chagrin, sa voix jamais ne s'éteindra. Elle restera jusqu'à la fin, la femme que rien n'arrêtera. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Mais à tous les titres de gloire, préférez votre amour sincère. Ne voulez pas être une star, mais une chanteuse populaire. Das mulheres que Deus pôde criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar perto e abraçar. Eu sei, essa Musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Allez, on revient en direct avec Maggie Loureiro pour vous annoncer un spectacle au mois de novembre. Ah oui, pour ça. Dis-nous tout, parle-en-nous beaucoup oui, plus. Oui, c'est surtout pour le mois de novembre parce qu'il faut réserver absolument avant fin juin parce qu'il y a déjà beaucoup de réservations et il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment faire. Alors, j'ai mis le lien sur TikTok. D'accord. J'ai mis aussi sur Facebook. Je serai avec Gilou, c'est pour un spectacle portugais en hommage à Linda de Souza, bien sûr, toujours. Mmh. Hein. Et puis, ça, c'est à Bussy à Poitvine, dans le 87, je 87, crois. 87, exactement. Vous avez mon lien sur Facebook. Sinon, je serai à Bordeaux, mais à Bordeaux, c'est un peu privé. Je suis le 31 décembre en Auvergne. Je suis à Tours au mois de juillet avant de partir au Portugal. Et après, je reviens tranquille au mois d'octobre pour faire un spectacle à Paris pour Linda. Ah. Un hommage à Linda. Voilà, c'est en train de se programmer. Et voilà. Et puis après, vous viendrez me trouver le 16. Je sais que vous venez tous, vous, déjà. Vous avez pris oui, oui, nous, on est des adeptes. On est des VIP, des quoi. Fans, voilà. Des fans. Donc, du coup, nous, il y a un petit moment déjà qu'on a pris nos places. Mais alors, n'hésitez pas à prendre vos places. Ça se termine, je crois, les réservations. Vers le fin juin. Voilà. 22, 23 juin. Appelez quand même après, on ne sait jamais, c'est quelqu'un qui existe. Alors, c'est. Exactement. Au repère des artistes. Au repère des artistes, voilà. À Bussière. Poitvine. Voilà. Dans le 87. Donc. Spectacle portugais avec repas portugais et tout ça. Avec Gilou, l'accordéoniste de Pierre Perret. Et viens me boire un petit coup à la maison. Licence 4. Licence 4, voilà. Il n'y a que lui qui reste, hein. Les autres ils sont partis malheureusement, tu vois. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir Maggie en live, spectacle de Maggie, n'hésitez pas à prendre vos places, à réserver donc au repère des artistes. C'est pour le 16 novembre. Voilà. Merci Maggie. T'as réservé de toute façon, tu peux pas louper là. Oui, on sera. Donc pour Paula, je sais que Paula, il y a aussi... Elisabeth avec Patrick qui veulent réserver aussi. Donc ceux que je connais par TikTok, voilà, réservez pour ceux-là pour qu'ils soient là avec moi. Voilà. Ben nous on sera voilà là. Elle est là Maggie. Ouais. Non, elle est là. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Hein. Il y a tellement de caméras partout là que je sais plus où aller. Là-haut. Ah là-haut aussi. Ouais. Du Tu es filmé de partout. Ah là là, oui, bah alors là. Ah, voilà, bon, radio... quel est mon beau profil là que je me mette bien. La radio sera présente ce jour-là. Oui, voilà. Oui, on fera des petites vidéos pour mettre dans les réseaux. Il y aura aussi, il y a aussi le neveu Alinda avec sa nièce. Oui. Ah oui, c'est vrai. Qui sera là, qui vient de Paris spécialement. La meilleure amie de Linda qui sera là. Ils ont réservé il y a deux jours. Qui viennent exprès me soutenir parce que ils adorent ce que je fais. Quand oui. Voilà. Ce que tu m'as dit en fait en off, en fait, c'est qu'ils n'ont jamais vu en fait ton spectacle. En fait, ils m'ont toujours entendu chanter par les réseaux. Linda, elle m'avait mis sur sa page fan. Elle m'avait mis quand j'ai chanté La Voix du Portugal. J'étais Voix du Portugal sur l'autre CD. Mmh. Et elle m'avait mis sur sa page officielle. Et ça m'avait vraiment touchée. Ça fait 4 ans de ça. Et puis elle me connaissait. Voilà, on s'est rencontrés aussi à Beaune. On est devenus vraiment des amis. Je l'aimais beaucoup et c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur tout ça, ce qui arrive. Mais son neveu et sa nièce, ils m'ont toujours entendu comme ça. Je les ai rencontrés déjà. Hein. J'étais déjà avec eux pendant au moins toute une journée. J'ai parlé avec eux et ils m'ont dit il y a deux jours, on vient de voir. On se déplace de Paris pour c'est venir. C'est ce que tu m'as dit, ouais. Donc je suis très, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Mm. C'est la première fois qu'ils te voient en spectacle. Tu les connais. Tu me vois. Oui, c'est la première fois qu'ils viennent voir mon spectacle. Ils seront d'ailleurs, je vous les présenterai. Ils seront à Bussière le 16, oui. D'accord. Voilà. Voilà. On fera peut-être un petit live de temps en temps. Oui, des petits cours, des lives courts. Cours live. Hein. Des cours live, voilà. Et exactement comme j'ai fait vendre. Oui, voilà, comme tu as fait vendre. Ça permet d'avoir des petits souvenirs. On écoute parce que c'est déjà en route. Comme d'habitude, je ne fais pas attention. Il faut le mettre au début, alors, dans ces cas-là. Eh bien, on met au début. Allez. Allez. Aucun souci. L'étrangère, la c'est chanson parti. Que Linda adore. L'étrangère. Allez, les amis. Elle a les yeux noirs de sa mère, et sa tendresse et ses colères. Elle ose dire qu'elle en est fière, l'étrangère. Elle a gardé une carte postale de son village. Du Portugal, elle a des souvenirs qui font mal, étrangère. Bien sûr, elle a changé de vie quand elle est arrivée ici. Elle n'avait pas un seul ami, étrangère. Elle s'est habituée à Paris, à la mi-chant de ce pays et de fado en mélodie populaire. Elle chante avec le soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante pour les pauvres gens, pour les rois. Elle chante. Ce côté de la frontière, elle n'a jamais connu l'hiver. Et c'est le prix de la misère, l'étrangère. Elle n'a rien oublié de ceux qui chantent avec les larmes aux yeux. Alors elle est restée pour eux la lumière. Elle chante. N'existe pas. Elle chante pour les pauvres gens, pour les rois. Elle chante tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit. Elle aime les enfants, les rigueurs, les grands gâteaux d'anniversaire, les vacances au bord de la mer, l'étrangère. Dieu je t'aime, elle est un peu cartomancienne, elle a le cœur d'une bohémienne, l'étrangère. Elle ne sait pas bien dire pardon, c'est un volcan, c'est la passion, c'est la douceur d'une panthère, l'étrangère. Il faut la prendre dans tes bras, il faut lui murmurer tout bas, quel nos amor, c'était pour toi, l'étrangère. L'étrangère. L'étrangère. L'étrangère. Et toujours en direct sur Radio PNFM, les voix du Portugal. Toujours en direct avec Magui Loureiro. Loureiro. Loureiro. Ah, tu dis bien, Loureiro. Ah oui, ah, je sais. je voulais savoir si est-ce que tu as programmé mon vieux pour l'hommage à tous les papas. C'est juste. Ah, bah c'est on super. Va discuter un petit peu oui. Et après on la met. Ok. Si on veut bien discuter. Ah bah oui, si tu veux. Moi je préfère écouter et à chanter. Non. Alors attends, on va parler du single du coup. Oui. Oui. Et ce qui serait pas mal aussi, je pense, hein, moi, je. Ah oui, mais. Il y a un truc qui serait pas mal, c'est que Maggie nous chante un petit truc, quand même. Oh oui. Alors, oui. Moi, je l'ai programmé, pour chanter, je l'ai programmé, mais en espérant qu'elle voudra bien. Mm. Tout à fait à la fin de l'émission, pour finir. Laquelle hein? Une en beauté, Linda. Ah, si tu veux, ouais, je chanterai Linda. Tout à fait à la fin. En direct. Alors, soyez là, à midi. On a réussi. Moins 5. Voilà. Ok, je chanterai Linda en direct, il n'y a pas de souci. Du coup, on va reparler de son single. Ah oui. Oui. Son single 3 titres. Du coup, vous pouvez retrouver le single, enfin le titre dédié à Linda. Exactement. Hommage à Linda. Oui. On retrouve Malian Malian. Et on retrouve également Ça ne s'oublie pas. Ah oui, il ne faut jamais oublier. Ça ne s'oublie pas, la chanson de, donc, du single, feuilleton de le de single, Linda. Là. Par contre, si vous l'achetez, il y a un truc qui est sympa, c'est que vous flashez les codes là, ici, et vous voyez le clip. Oui, vous tombez en plein dedans. Ouais. Ça, c'est plutôt sympa, c'est bien, plutôt bien fait. Hein. Un très joli clip, fait, Linda, voilà. Oui. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à le commander sur les réseaux sociaux, Facebook, sur Maggie. Voilà, vous tapez ouais, Maggie, voilà. Vous envoyez un message à Maggie Loulay. Tombez sur tous ses réseaux, ouais. Voilà. TikTok. Voilà, exactement. N'hésitez... Sur YouTube, non, ils ne peuvent pas m'écrire sur YouTube. Je ne réponds pas. N'hésitez pas d'appeler 05 55 39 02 86. Ah oui, celui 86. Qui veut me parler en direct, vous pouvez appeler. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des questions à poser à Maggie, si vous avez des questions, même pour acheter son single, n'importe quoi, n'hésitez pas à appeler. Bah oui, avant midi. Bien joué, Johnny. Oui, avant parce qu'après midi. Après midi, c'est on sera pas là. On sera pas. Alors il va sonner pour rien. Oui. Alors pour son single, oui, appeler avant midi, ça serait c'est plus raisonnable. Voilà, après toute question. Voilà. Maggie, tu veux nous dire quelque chose? Non. Je voulais souhaiter bonne fête à tous les papas et à mon papa aussi qui est au ciel. Mais ça voilà. Tombe bien. On va mettre mon vieux juste après. Oui, pour tous les papas. Voilà. Allez. Du coup, une dédicace de Maggie pour tous les papas. Voilà, exactement. Et puis pour un monsieur qui s'appelle Jacques. Voilà, il comprendra. Ben, on te remercie beaucoup, Maggie Loulay. De rien. Pour ce joli. Et pour Christine geste. Aussi. C'est parti. Chez nous, y avait pas la télé. pendant quelques heures d'évasion. Tu sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a au peine ouvert les yeux. Nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour éloger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, une petite dédicace de ma part pour ma petite chérie qui est présente et au promette de Manuel Camps. Persiste na minha vida sem contar quando o coração já tinha desistido. Dança comigo, Rafael Santos. N'hésitez pas à la présence de Maggie Laura Hero. Appelez 05 55 39 02 86. Quero o teu corpo só para mim. Encosta e aperta, seduz-me. Se gostas de dançar comigo assim, dança comigo, mexe o teu corpo. Dança comigo, vais ficar louco. Dança comigo, que é bem melhor. Dança comigo até ao pôr do sol. Dança comigo, mexe o teu corpo. Dança comigo, vais ficar. Quero o teu corpo só para mim. Encosta e aperta, seduz-me. Se gostas de dançar comigo assim, dança comigo, mexe o teu corpo. Dança comigo, vais ficar louco. Dança comigo, que é bem melhor. Dança comigo até ao pôr do sol. Dança comigo, mexe o teu corpo. Dança comigo, vais ficar. Menina, vem comigo, vamos beber um shot. A noite vai ser top. vem comigo. Vamos beber um shot. A noite vai ser top, top, top, top, top. Menina, fico louco com esse teu decote. A noite vai ser top, top, top, top, top. Menina, vem comigo. Vamos beber um shot. A noite vai ser top, top, top, top, top. Menina, fico louco com esse teu decote. Oh, top, top, top. Oh, top, top, top. A noite vai ser. Radio Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. La fille qui pleurait, de Maggie Laura. Pleurait en passant la frontière, ses illusions perdues, sa poutre que l'a laissée derrière. Un garçon qui passait, la prenant par la main, lui dit ne pleure pas, va tout s'arrangeront, tu oublieras demain. J'avais une maison blanche à côté de la mer, j'avais mes amis, j'avais le soleil, j'avais tant de choses merveilleuses que je perds. E dizia assim: você que nunca gostou.

de 9h à midi sur Radio Open FM. Un portugais. Deux portugais. Magui Laura. Portugais. Un portugais vient de quitter son portugais. Comme tant d'autres, il est venu tenter sa chance. Magui Laura, qui est en direct avec nous aujourd'hui dans les studios d'Open FM. Un portugais. Ah. Miguel Azevedo. Yeah. FM. 9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et c'est bientôt la fin, on est à déjà une dizaine de minutes. Oh là là, ça passe trop vite. On a un petit cadeau, Linda va nous chanter. On a non, un... je suis Maggie, moi. Oui, enfin, Maggie va nous chanter, Linda. Mais c'est bizarre, tout le monde m'appelle Linda. Je suis perdu. Je suis Maggie, quoi. Un hommage à Linda. Voilà, un hommage à Linda. Elle va nous chanter ça. En... Oui, on a un écho. Non, un écho. C'est un Larsen. Un Larsen, oui. Ouais. Merci, ouais. Ma Gigi. Oui, non, mais monte un peu. Non. C'est la dernière, alors. Voilà, c'est fini déjà, c'était trop court. Voilà. Ben, la déviation aussi, ça fait retard un peu. Oui, c'est vrai que vous avez mis combien de chansons? Alors, du coup, vous avez mis plusieurs chansons déjà au début. On a mis plusieurs chansons. Comme vous, mon vieux. 6, 7, 8. Avant que j'arrive, vous avez mis combien? Parce que 4, tout l'album, quoi. 4-5. Et ben, je verrai tout ça, de toute façon, sur Facebook. Oui, je partagerai après. Voilà. Pas de souci. Et on en a mis deux fois. Voilà. Ok, mon vieux. Ouais. En hommage à tous les papas et à mon papa qui est au ciel, qui me suivait sur tous mes spectacles. Voilà. Maggie, on peut te demander un petit truc? Oui, il va envoyer la chanson Linda et je vais fredonner derrière. C'est ça. Voilà. Pour tous mes amis qui m'ont acheté mon single, et pour Linda et pour ses neveux Christine et tout ça. Et je vous retrouve tous le 16 novembre au Repère des Artistes. Voilà, pour ceux qui ont réservé. Et je pars bientôt en vacances au Portugal. Et n'hésitez pas de réserver ceux qui n'ont pas réservé. Voilà, c'est ça. Oui, avant fin juin. Fin juin, oui. Avant, voilà. avant fin juin, oui. Oui. Je crois que ça s'arrête peut-être le 22 ou 23. Mais appelez au repère, au repère des artistes. Oui, il faut toujours appeler parce qu'on ne sait jamais s'il y a des personnes qui existent pour... Voilà. Toujours appeler, il n'y a pas de souci. Profitez un bon moment en musique. Voilà. Une soirée, c'est une soirée portugaise. C'est une soirée portugaise avec toutes les chansons de Linda, avec des chansons portugaises, et puis Gilou qui sera avec nous. D'accord. Et puis repas portugais, voilà. Qu'est-ce qu'on va manger? Oh, il y a un peu tout ce qui est portugais. Hein. Moi, d'accord, je connais pas le menu. Mais t'as pas demandé le menu quand t'as réservé? Non. Eh ben, t'es pas curieux. Je pense qu'on mange cochon de lait, non, c'est quelque chose comme ça. Ah. Oh, mais je t'avais dit, c'était un peu ça. Et je connais pas le menu. On l'étend. Moi, je mangerai pas, je serai trop stressée. Pas moi. Moi non plus. C'est trop bon, c'est trop bon. Bon, ouais. Est-ce que t'es prête? Ah oui, bah de toute façon, je vais l'écouter, puis je vais fredonner derrière, il n'y a pas de souci. Allez, eh bien, on va lancer allez, ça. Allez, avec un hommage à Linda, j'écoute ma chérie Maggie, mon petit rayon de soleil. Oh, bah merci, ma Gigi. Je vous fais un gros bisou à tous. Allez, c'est parti. Lorsqu'elle a quitté son pays, entreprendre un si long voyage avant d'arriver à Paris. Linda, chantez avec moi. De ces dures années de galère, quand tout le monde l'ignorait, elle a lutté seule étrangère pour qu'enfin elle soit remarquée. Linda, sa vie ressemble à ses chansons. Il y avait des jours bleus, des jours noirs, de bonheur et des trahisons gravés au fond de sa mémoire. Allez, tout le monde. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme. Comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle porte une aile à la lumière en marchant toujours droit devant, sans jamais regarder derrière, chanter avec son cœur d'enfant. Linda, et dans les moments les plus durs, le public était au rendez-vous pour poursuivre son aventure et l'aider à rester debout. Linda, entre l'amour et le chagrin, sa voix jamais ne s'éteindra. Elle restera jusqu'à la fin, la femme que rien n'arrêtera. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme. Comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme. Comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme. Comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Et à tous les titres de gloire, refait votre amour sincère. Ne voulait pas être une star, mais une chanteuse populaire. Pour tous les amis, ensemble, il y a musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir está aqui. Et malheureusement... C'est la fin, c'est malheureux. Hein. Malheureusement, c'est la fin. Avec la chanson de Linda. Pour tous mes fans et tous mes amis et tous les fans de Linda. Et pour Christine, pour ses neveux, pour ses nièces, pour Gigi, pour tout le monde qui me suit, Rose, tout ça. Toutes les personnes qui chantent, qui adorent Linda, voilà. Et qui me suivent maintenant. Merci beaucoup. On répète de ne pas oublier... De réserver pour le 16 novembre. 16 novembre. À Poussière Poitouine. Voilà, on repère des artistes, un repas portugais avec spectacle portugais avec moi et Gilou, l'accordéoniste Pierre Perret. Et avec nous en spectacle aussi. Toi aussi tu viens, je sais que tu viens aussi. Vous pourrez voir. Je sais que vous venez aussi. Hein. Vous pourrez également voir les animateurs de votre radio en spectacle. Voilà, en spectacle. Ouais, voilà. Exactement. On qui fera des lives. Des photos, des lives, des petites vidéos. Voilà. Enfin, il y aura un peu de tout pour faire. En direct avec moi. Pour mettre en avant tout merci ça. Merci beaucoup encore de m'avoir reçu. À chaque fois, me fait un très plaisir, beaucoup plaisir de venir jusqu'ici. On est bien content que tu sois venu. Merci beaucoup. En plus, tu habites à peine une heure d'ici. Ouais, c'est un plaisir. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est pas trop loin. Non, une heure, hein, quand je me perds pas. Et oui, Mario, je suis désolé, mais moi j'ai eu le privilège d'y aller chez Maggie. Oh. Ah oui, il est venu chez moi. Je suis désolé. Il est venu me voir en spectacle. Je suis désolé, je te trahis là, je te trahis. Il est venu me voir. Regarde, même ici, regarde le cadeau de petite Nikki là. Ouais. J'ai reçu des cadeaux aussi par de Paris avec un gros foulard. J'ai aussi plein de personnes m'envoient des petits cadeaux. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Ils sont adorables les gens. C'est vrai, franchement. Oui. T'as vu mon châle qu'on m'a offert, beau châle. Oui, oui, oui. C'est magnifique. Une belle maison. Un beau studio aussi. On a eu le plaisir d'être. Ne dis pas studio. L'endroit. Ne dis pas l'endroit. Non, on ne dit pas l'endroit, mais bon. Un beau studio que Mario, bon, dommage, il n'était pas là. Oui, On a fait live aussi. Mario, Mario viendra, il reviendra Mario. Je l'invite aussi pour un barbecue. Et il reviendra, mais je n'ai pas encore. Bah oui, c'est vrai que t'es pas venu. Mais je vais revenir. Il n'y a pas de souci. Bon, ben, on va vous souhaiter un bon dimanche. Oui. On remercie Maggie Loël d'être passée nous voir. C'est avec un grand plaisir qu'on te reçoit. Voilà. Et n'oubliez pas son single. Oui, voilà. Dernier single il y a à peine 15 jours. Voilà. Un peu plus. Donc, les réseaux sociaux pour l'obtenir, il n'y a pas de souci. Ou un petit message à la radio. Ou voilà. Téléphone, machin. Voilà. La chanson spéciale Linda. Voilà. N'hésitez pas, le single, le dernier qui vient de sortir, Uma Lembrança. Ouais. Dédié ça à veut Linda. Dire quoi, Uma Lembrança? Dis-moi, Mario. Uma Lembrança. Un souvenir. Voilà. Très joli. Et vous avez dans le single Linda, Oumagnan. Oui. Ça ne s'oublie pas. Et le clip, les deux clips. Voilà. Oh, j'adore celle-là. Et on se quitte en musique. Allez, bonne journée allez, à tous. Bonne journée aussi, à tous. À bientôt. À la prochaine. Et nous, Johnny, on se retrouve sûrement dimanche prochain. Allez. Allez, bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Ciao. Bon dimanche à tous. Ciao. J'accordais à minha avó lorsque j'étais petite, petite, petite. En allant à l'école, je chante ce refrain. Et déjà ma grand-mère, un grand plaisir de passer ici à la grand-mère, le frère.